Alchimie du verbe. À moi. L'histoire d'une de mes folies. Depuis longtemps, je me vantais de posséder tous les paysages possibles et trouvais dérisoires les célébrités de la peinture et de la poésie moderne. J'aimais les peintures idiotes, dessus de portes, décors, toiles de saltimbanques, enseignes, enluminures populaires, la littérature démodée, latin d'église, livres érotiques sans orthographe, romans de nos aïeuls, contes de fées, petits livres de l'enfance, opéra fieux, refrain niais, rythme naïf. Je rêvais croisade, voyage de découverte dont on n'a pas de relation, république sans histoire, guerre de religion étouffée, révolution de mœurs, déplacement de races et de continents. Je croyais à tous les enchantements. J'inventais la couleur des voyelles. A noir. A noir. E blanc. E blanc. I rouge. I rouge. O bleu. O bleu. U vert. U vert. Je réglais la forme et le mouvement de chaque consonne et avec des rythmes instinctifs, je me flattais d'inventer un verbe poétique accessible un jour ou l'autre, à tous les sens. Je réservais la traduction. Ce fut d'abord une étude. J'écrivais des silences, des nuits. Je n'étais l'inexprimable. Je fixais des vertiges. Des oiseaux, des troupeaux, des villageoises. Que buvais-je, à genoux dans cette bruyère, entouré de tendres bois de noisetiers, dans un brouillard d'après-midi tiède et vert. Que pouvais-je boire dans cette jeune oise, ormeaux sans voix, gazon sans fleurs, ciel couvert, boire à ces gourdes jours, loin de ma case, chérie. Quelques liqueurs d'or qui fait sueur. Je faisais une louche en serre d'orage. Un orage vint chasser le ciel. Au soir, l'eau des bois se perdait sur les sables vierges. Le vent de Dieu jetait des glaçons au mar. Pleurant, je voyais de l'or et ne pus boire. 4 heures du matin, l'été, le sommeil d'amour dure encore. Sous les bocages s'évapore l'odeur du soir fêté. Là-bas, dans leur vaste chantier, au soleil des Hespérides, déjà s'agitent, en bras de chemise, des charpentiers. Dans leur désert de mousse, tranquille, ils préparent les lambris précieux où la vie peindra de faux cieux. Oh, pour ces ouvriers charmants, sujet d'un roi de Bagdad, Vénus quitte un instant les amants, dont l'âme est en couronne. Oh, reine des bergers, porte aux travailleurs haut de vie, que leur force soit en paix, en attendant le bain dans la mer à midi. L'érythme poétique avait une bonne part dans mon alchimie du verbe. Je m'habituais à l'hallucination simple. Je voyais très franchement une mosquée à la place de l'usine. Une école de tambours faite par des anges. Des calèches sur les routes du ciel. Un salon au fond d'un lac. Les monstres. Les mystères. Un titre de vaudeville dressait des épouvantes devant moi. Puis j'expliquais mes sophismes magiques avec l'hallucination des mots. Je finis par trouver sacré le désordre de mon esprit. J'étais oisif, en proie à une lourde fièvre. J'enviais la félicité des bêtes, les chenilles, qui représentent l'innocence des limbes, les taupes, le sommeil de la virginité. Mon caractère s'aigrissait. Je disais adieu au monde, en espèce de romance. chansons de la plus haute tour. Qu'ils viennent, le temps dont on s'éprenne. J'ai tant fait patience qu'à jamais j'oublie. Craintes et souffrances, aux cieux sont partis, et la soif malsaine obscurcit. Telle la prairie, à l'oubli, livrée, grandie et fleurie d'encens et d'ivraies, au bourdon farouche des sales mouches. Qu'ils viennent, le temps dont on s'éprenne. J'aimais le désert, les vergers brûlés, les boutiques fanées, les boissons tiédies. Je me traînais dans les ruelles puantes et les yeux fermés, je m'offrais au soleil, dieu de feu. Général, s'il reste un vieux canon sur tes remparts en ruine, bombarde-nous avec des blocs de terre sèche. Aux glaces, des magasins splendides, dans les salons, fais manger sa poussière à la ville, oxyde les garnements, emplis les boudoirs de poudre de rubis brûlants. Livré à la pissotière de l'auberge, amoureux de la bourrache et que dissout un rayon.